Morsaï, trueur de la galère, Zaref, mon iPhone est trop vénère. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nique la hnouche, nique la hnouche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nique la chnouf, nique la chnouf. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nique la hnouche, nique la hnouche. Morsaï, nique sa race, on s'en bat les couilles. Nique Skyrock, nique les PD de facho. Nique sa mère, les bâtards qui nous boycottent. Nous on est boycottés par des PD. Bâtard, nous on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On pique grave au plus à clic-cli. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Moi j'arrive, on s'en bat les couilles. C'est pour mes potos, tous les mecs qui galèrent. Tous les mecs au rap, skate, get, get la misère. Nique sa mère les bâtards, nique sa mère les fachos. Nique sa mère les catins, nique sa mère les blindés. Qui pensent qu'à leur gueule, qui pensent pas à la pauvreté. Nique sa mère ces bâtards, on va tous les enculer. C'est Morsaï, truand de la galère, tu nous connais. En plus, à clé en cours, pas de clic-clic-cli, on va vous baiser. Morsaï, poteau, c'est pour tous mes potos. Tous les mecs enfermés, pour tous les mecs qui font du shit dans les quartiers. Pour tous mes gars, mes ros, mes gars. Les mecs qui m'ont acheté mes t-shirts et mes CD. Nique sa mère, les fachos, pèse les catins. Dans mon cœur, y'a un 6,45 pour niquer les skins. Ces bâtards, on va les fumer un par un. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Les handicapés, c'est pour mes potos, les mecs des quartiers. C'est pour tous mes gars, les fous, les sauvages. C'est pour les mecs qui insultent les putes sur les Champs-Élysées. C'est pour mes gars qui s'en battent les couilles, qui s'en battent les couilles, qui niquent la hnouche, qui s'en battent les couilles, qui s'en battent les couilles. La garde à vie de ces hnouches, qui s'en battent les couilles, qui s'en battent les couilles. Nique sa mère, je vais représenter les frères. Nique sa mère, les bâtards. Ouais, dédicacé à tous les gars de prison. Dédicacé à tous mes potos, plus à client court. Dédicacé à Zahab, JT5 et mes potos gros. Dédicacé au 9-5, dédicacé au 9-3. Dédicacé au 9-4, dédicacé au 9-2. Dédicacé au 7-8, dédicacé au 9-1. Dédicacé au 6-0, mes potos. Dédicacé à tous les vrais en France. Dédicacé à tous les banlieues, toutes les cités de la France. Nique sa mère, on sent pas les couilles, nous. Nique sa mère, on sent pas les couilles, nous. Truand la galère vénère, on s'en bat les couilles. Nique la hnouche, nique la hnouche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Dédicace aux voleurs, dédicace aux arracheurs. Arrache aux milliardaires, Faël. Truand la galère, Zaref. Morsaï, 77, c'est Neymar. Grave, 77 gros. Bonhomme, All-Star. Truand la galère, en plus à qui encore. Ambiance de Gégé. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nique la hnouche, nique la hnouche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nique la chnouf, nique les hnouches.